Chapitre 13, troisième partie, Organisation de l'Empire, par Charles Bayet. L'Empereur et la Cour. Si, pendant toute cette période, l'Empire grec manifeste au dehors, souvent avec succès, son activité et sa force, au dedans, il est régi par une administration savante et compliquée. Il n'est point facile de tracer un tableau de cette organisation. Peut-être des questions très importantes, telles que celles des impôts, ne seront-elles jamais bien connues. Toutefois, le principe même du gouvernement, le rôle des principaux fonctionnaires, les règles de l'administration locale peuvent être assez nettement déterminées. L'empereur est un monarque absolu, dont rien légalement ne limite le pouvoir. Il porte officiellement les titres d'autocrate, basileus, despotes. Tout dans sa vie, dans ses rapports avec l'humanité, et calculé pour fortifier cette idée de respect et d'admiration qui doit s'attacher à sa personne. Ce n'est point un simple mortel, mais un être saint, dont les moindres mouvements, les moindres actes, doivent avoir un caractère de majesté qui frappe les imaginations. Sa demeure est le palais sacré. Son existence est une continuelle et solennelle représentation où les fonctionnaires, les grands, les factions du cirque, le peuple, joue le rôle de comparse. Le cérémonial détermine chaque détail de la mise en scène, quels vêtements l'empereur doit mettre selon les circonstances, comment il reçoit, comment il sort, quelles acclamations on doit pousser sur son passage. L'enthousiasme même est soumis à des formules et le peuple ne peut exprimer sa joie que selon les règles. Est-on admis devant l'empereur, on doit se prosterner et baiser ses genoux. À des jours déterminés, il sort pour aller visiter telle ou telle église. Dès la veille, les héros annoncent par la ville ce grand événement. On nettoie les rues, on les jonge de fleurs et de parfums. À l'heure dite, hauts dignitaires, fonctionnaires, gardes se réunissent au palais. Les chambellans pénètrent dans le sanctuaire impérial. Ils revêtent d'un éblouissant costume d'apparat la personne sacrée. Enfin, le basileus apparaît, précédé de l'immense cortège que forme sa cour défilant par ordre hiérarchique. Sur son passage retentit la litanie des souhaits officiels. Les jeux du cirque, dont la vogue se maintint jusqu'au XIIe siècle, se rattachent encore à l'étiquette impériale. L'hippodrome fait pour ainsi dire partie du palais, et l'empereur s'y rend sans sortir de chez lui. Les deux grandes factions, des verts et des bleus, sont des corporations officielles, des moi, ayant leurs biens, leurs revenus, figurant dans les cérémonies impériales. Leurs chefs, qui portent les noms de démocrates, démarques, sont des fonctionnaires. Les empereurs de la maison macédonienne, plus sages que ceux du VIe et du VIIe siècle, évitent d'affirmer pour l'une des factions une faveur qui transformerait l'autre en partie d'opposition et deviendrait une cause d'émeute. Il faut lire l'ouvrage de Constantin Porphyrogénète sur les cérémonies de la cour pour comprendre à quel point était poussée cette manie d'étiquette fastueuse et puérile. On redoublait de luxe lorsqu'on voulait frapper les yeux et les esprits des ambassadeurs étrangers. Liutprand, dans son Antarpodosis, a raconté la réception qui lui fut faite en 948 quand il fut envoyé à Constantinople par le roi Béranger. Près du trône de l'empereur, deux lions dorés rugissent et remuent la queue. Sur un arbre doré chantent des oiseaux dorés. De pareils prodiges devaient émerveiller des envoyés bulgares aux Russes. Liutprand prétend qu'il ne s'y laissa point prendre. Quand il adora l'empereur, il le vit s'élever en l'air sur son trône, reparaître tout à coup avec d'autres vêtements, sans qu'on pût découvrir comment s'opéraient ces changements à vue. L'étiquette byzantine aimait de pareils trucs, et le rôle des machinistes était grand dans ces féeries impériales. C'était là, il faut le dire, le côté misérable et ridicule de la monarchie byzantine. Ce cérémonial monotone et coûteux n'a jamais prévenu une révolution, ni consolidé le pouvoir d'un empereur. S'il pouvait amuser les badauds ou étonner les barbares, personne à Constantinople n'en était dupe. L'esprit populaire même était habitué à dépouiller l'idole officielle de tout ce vain éclat et à chercher ce que valait réellement le personnage impérial. L'administration centrale, Sénat, noblesse administrative. À Constantinople, autour de l'empereur, se groupe toute une administration centrale subdivisée en nombreux services. Les dignitaires qui la composent sont classés d'après les règles d'une hiérarchie minutieuse. Beaucoup ont à la fois des fonctions de cour et des fonctions de gouvernement. Le logothète du drôme ou de la course, d'abord préposé au poste, est devenu le grand logothète. Il dirige l'administration financière et l'administration civile. Il a sous ses ordres toute une légion de logothètes d'ordre inférieur, chargés des divers services. Trésor privé de l'empereur, poste, etc. À ses fonctions de grand trésorier, il joint celle du grand chancelier. Il est chargé de la correspondance officielle, des chrysobulles, bulles à seau d'or, le protovestiaire est le grand maître des cérémonies et l'administrateur du palais. Il préside aux audiences publiques et privées. Autrefois, ses attributions appartenaient au curopalate, dont la dignité subsista, mais ne fut qu'un titre honorifique. Le grand primicier a l'office de grand chambellan. À la tête de l'armée est placé le grand domestique. Ce mot de domestique ayant, dans la langue administrative de cette époque, le sens de chef, commandant, quand il s'applique à une fonction militaire. Après lui, le protostrator, grand écuyer impérial, a en quelque sorte la lieutenance générale des armées. Le grand stratopédarque dirige le service de l'intendance. Le connétable commande les auxiliaires francs. Le grand drongueur de la veille, chargé de la garde du camp en temps de guerre, assure la police du palais. La marine est sous les ordres du méga-duc ou grand-duc. Cette dignité n'apparaît qu'après le Xe siècle, après qui vient le grand drongueur de la flotte. Au-dessous de ces grands personnages qui forment le consistoire ou conseil de l'empereur, s'échelonne une multitude d'autres fonctionnaires rattachés également à la cour et qui remplissent le palais et les bureaux. En sa qualité de juge suprême, l'empereur reçoit à son tribunal impérial composé de hauts fonctionnaires les appels des diverses juridictions. Il en a la présidence, qui revient en son absence à l'éparque, puis, après le milieu du XIe siècle, au drongueur de la veille. Les suppliques qui lui sont adressées sont examinées d'abord par les 12 juges du Vélum ou de l'Hippodrome, investis aussi d'une juridiction particulière. L'administration judiciaire de Constantinople relève de l'éparque, auquel ici encore se substitue le drongueur de la veille, du questeur, dont les attributions s'effacent à partir du milieu du XIe siècle. Au-dessous viennent les tribunaux des prêteurs, du parathalassite, juridiction maritime, des juges des régions. Le Sénat subsiste. Il s'est maintenu jusqu'au dernier jour de l'Empire et lors du siège de Constantinople en 1453, ce fut encore au milieu du Sénat que Constantin Dragazès reçut les ambassadeurs de Mohammed II. Les renseignements qu'on possède sur ce corps sont fort vagues. Vraisemblablement, il se recrutait dans les hautes classes de l'administration. Si Léon VI lui avait enlevé le pouvoir législatif, cependant les lois les plus importantes lui étaient encore soumises. En droit, il juge les crimes politiques, les conspirations, les causes des grands personnages, de ses membres. Parfois, il délibère sur les négociations avec l'étranger et sur les guerres. Il intervient dans l'élection du patriarche et dans les affaires religieuses. Il prend part aux élections impériales ou tout au moins les confirme. Son crédit est assez grand pour qu'il puisse compromettre le pouvoir des empereurs auxquels il est hostile. Aussi, un récent historien du Sénat après Dioclétien a-t-il pu dire que, peut-être, il avait joué dans la réalité un rôle plus considérable que les textes ne le laissent entrevoir, l'écrivain. Au-dessous du Sénat s'étend l'ordre sénatorial, qui se compose des principaux fonctionnaires en activité ou en retraite, de leurs descendants, de la noblesse provinciale, recrutés d'après les mêmes principes. Les membres de cette aristocratie administrative et héréditaire sont nombreux, beaucoup plus de 10 000 d'après un document. Ils jouissent de certains privilèges, ne relèvent que de la juridiction du Sénat ou de l'empereur. Ils sont répartis du reste en diverses classes, car une hiérarchie non moins minutieuse que l'étiquette impériale pèse sur toute la société byzantine. Au-dessous de l'empereur, on rencontre parfois le César. Le titre de despotesse n'est accordé qu'à des membres de la famille impériale ou à des princes vassaux. Ceux de Nobilissime, Sébaste, Pansébaste, Protosébaste, etc. sont également réservés à la famille impériale ou à de très hauts personnages. Puis viennent les patrices, Protospater, Spater, Spataro Candida, Cubiculaire, Spataro Cubiculaire, Comte, Proconsul, Consul, etc. Titres honorifiques qui servent à classer les fonctionnaires. Les Protospater, Spater, Spatero Candida sont des gardes du corps honoraires de l'empereur, comme une sorte de légion d'honneur selon la comparaison d'un savant contemporain. L'administration provinciale, les thèmes. L'Empire byzantin avait conservé d'abord le système de division qu'on trouve dans la Noticia Dignitatum au commencement du 5e siècle. Diocèse, province, cité. Ces divisions avaient un caractère civil, car les empereurs du 4e siècle s'étaient attachés à séparer les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires auparavant confondus. Cette organisation amenant des conflits entre les autorités civiles et militaires, Justinien la jugea mauvaise et commença, pour certaines provinces, à réunir dans les mêmes mains les attributions civiles, militaires, financières. Ses successeurs adoptèrent cette politique. Au 8e siècle, sous Constantin Pogona, s'introduisit l'organisation de l'Empire en thèmes, dont on trouve le tableau moins net qu'on ne le désirerait dans les écrits de Constantin Porphyrogénète. La division en thèmes a un caractère militaire, ce mot s'appliquant tout ensemble à la province et au corps de troupes qui la gardent. Les thèmes sont gouvernés par des stratèges, à la fois généraux et gouverneurs, investis de pouvoirs considérables et qui correspondent directement avec l'empereur. Le nombre et les limites de ces circonscriptions ont varié selon les époques. Dans son livre « Des thèmes », Constantin Porphyrogénète en compte 12 en Occident, 17 en Orient. Ces thèmes se subdivisent en « tourmae » qui se subdivise elle-même en « vexilia » ou « bandi ». Le turmarque est un fonctionnaire civil et militaire, subordonné au stratège. Pour quelques thèmes, l'expression de stratège est remplacée par d'autres. Comte de l'Opsikion, domestique des optimates, catépan ou catapan. Certains pays, du reste, ont une organisation spéciale et ne forment pas de thème. La Bulgarie, conquise par Basile II, est administrée par des ducs ou pronoètes. On trouve aussi des ducs à Antioche, reprise en 969, à Édesse, c'est-à-dire dans des villes et territoires militaires de la frontière. Aussi a-t-on comparé ces ducs byzantins avec les margraves ou comtes des marches de l'Occident. Les stratèges n'ont pas tous la même importance. Ils sont répartis en plusieurs classes que distingue le chiffre des traitements. Le plus élevé paraît correspondre à 200 000 francs de notre monnaie. Certains n'en reçoivent même pas ou se paient sur les revenus de leur thème. La durée des fonctions n'est, semble-t-il, soumise à aucune autre règle que la volonté de l'empereur qui nomme tantôt des stratèges en titre, tantôt de simples délégués. À côté du stratège se groupe son état-major. Le domestique du thème est comme son lieutenant. Le chartulaire du thème remplit les fonctions d'intendant militaire et relève à la fois du stratège et du logothète du militaire à Constantinople. Le comte de la tente surveille le service du quartier général. Dans les thèmes maritimes, on trouve un dronguaire de la flotte, puis viennent de nombreux fonctionnaires de second rang. Les turmarques, les dronguaires, qui commandent ordinairement à 1000 hommes, les comtes, les centarques, les castrophylaques ou clisurarques, commandants de place, etc. Dans l'ordre civil, les comtes des aqueducs, les inspecteurs des mines, les directeurs des manufactures impériales, les curateurs des palais et des domaines de l'empereur, les commercières, chargés de percevoir les impôts sur le commerce et l'agriculture, etc. En outre, dans chaque thème, existe un fonctionnaire qui n'appartient pas aux premières classes de la noblesse administrative, mais dont les attributions sont fort étendues. C'est le protonotaire du thème. Indépendant, semble-t-il, du stratège, il relève du chartulaire du sacellum, grand trésorier de l'Empire. Il est chargé des finances, perçoit probablement la plupart des impôts, surveille les dépenses, fournit les vivres à l'armée. Souvent, il a aussi le titre de juge du thème et par suite est investi du pouvoir judiciaire. La féodalité dans l'Empire grec. Grand propriétaire. Le pouvoir central se heurte dans les provinces à l'influence prépondérante des grands propriétaires. En Orient comme en Occident, une puissante aristocratie terrienne se forme aux dépens de la classe des hommes libres et des petits propriétaires. Toutefois, dans l'Empire byzantin, quelques-uns des caractères essentiels de la féodalité latine lui manquent. On appelait ces grands propriétaires archontes, philarques, chefs de tribu, dynates, puissants. Quand les Francs s'établirent plus tard dans le Péloponnèse, ils y reconnurent des seigneurs, des sires. Et cette oligarchie orientale, après avoir d'abord lutté contre les barons latins, s'entendit avec eux pour opprimer les petits propriétaires. Ces dynates étendaient leur domaine, tantôt en achetant les terres des petits cultivateurs, tantôt en les usurpant violemment. Souvent ceux-ci, pour obtenir leur patronat, se recommandaient à eux, devenaient simples usufruitiers. Les puissants arrivaient ainsi à posséder des cantons, même des provinces presque entières. Les fonctionnaires, les chefs militaires, que les novelles compte d'ailleurs parmi les dynates, faisait parfois cause commune avec ses usurpateurs. Le pouvoir impérial, inquiet, voulut protéger les petits propriétaires. Basile Ier, craignant qu'ils ne fussent effrayés par les frais des procès à soutenir avec les puissants, créa des revenus pour y subvenir en partie. Des novelles de 922, renouvelées dans la suite, défendirent aux riches l'acquisition des biens des pauvres et des militaires dans des communes où ils n'avaient pas eux-mêmes des propriétés. Comme cette prohibition n'était pas observée, Constantin VII prit, en 947, des mesures très sévères. Il décida que les puissants qui, depuis son avènement, avaient continué malgré les lois à acheter les biens de petits cultivateurs en seraient expulsés sans indemnité. Nicéphore Phocas, Basile II, s'occupe encore de lutter contre ces envahissements. Parmi les puissants qui compromettaient ainsi l'existence de la petite propriété, il faut mettre au premier rang les églises et les monastères, ces derniers surtout, qui s'emparaient à la fois de la terre et du cultivateur. Au Xe siècle, Romain Lécapène, dans une novelle de 934, défend au paysan qui se fait moine de donner sa propriété au couvent. Nicéphore Phocas, reprenant les traditions des empereurs iconoclastes, publia deux novelles dont l'une prohibait la construction de nouveaux monastères, l'autre l'acquisition par les églises de nouveaux immeubles. Les moines, dit-il, ne possèdent aucune des vertus évangéliques. Ils ne songent sans cesse qu'à acquérir de nouveaux biens terrestres. Ce langage frappe d'autant plus que Nicéphore était dévot. Avant de devenir empereur, il avait été l'ami de saint Athanase, qui contribua tant à fonder dans la péninsule de la Tause cette étrange république monacale qui a survécu à l'Empire. Jean Zimisès prit des mesures analogues, ses tentatives furent vaines, Basile II revint à l'ancien droit. La diplomatie. Pour négocier avec les ennemis de l'Empire et les diviser, pour retenir les vassaux dans l'obéissance, Byzance avait besoin d'une diplomatie avisée, dressée à tout observer. Elle se recrutait parmi les fonctionnaires de la cour, mais sans qu'il soit question dans les documents d'une organisation administrative spéciale, d'un corps diplomatique. Quand on envoyait des ambassadeurs à l'étranger, on leur demandait d'exposer la conduite qu'ils comptaient suivre. On leur donnait des instructions. Dans son traité sur l'administration de l'Empire, Constantin Porphyrogénète indique souvent comment les envoyés grecs doivent s'y prendre avec chaque peuple. Au reste, nul scrupule, l'intrigue, le mensonge, la trahison sont armes légitimes. La diplomatie vénitienne dérive de la diplomatie byzantine, et c'est sur ce modèle que s'est formée toute la diplomatie italienne de la Renaissance. Byzance était sans cesse visitée par des ambassadeurs venus de tout pays. On les accueillait avec beaucoup de courtoisie, mais encore plus de défiance, et, sous couleur d'hospitalité, on les soumettait à une véritable détention. Leurs allées, leurs venues, leurs relations étaient surveillées. On ne leur montrait que ce qui pouvait les éblouir, les convaincre de la puissance et de la richesse de l'Empire. La politique extérieure de Byzance n'abandonnait, en théorie, aucune de ses anciennes prétentions. Pour elle, l'Empire romain existait toujours et avec les mêmes frontières. Au Xe siècle, Constantin Porphyrogénète écrit encore que Rome, bien que gouvernée par le pape, relève de Constantinople et que l'empereur est maître de la Méditerranée jusqu'aux colonnes d'Hercule. Pour affirmer cette suprématie, on avait recours à des artifices parfois puérils. On maintenait les noms des Thèmes, de Sicile et de Langobardie, auxquels ne correspondait plus de possession réelle. On faisait largesse des titres de dignité byzantine. L'histoire prouve cependant que ces fictions n'étaient pas sans valeur. En Occident, les rois germains avaient autrefois recherché ces titres honorifiques qui légitimaient leur autorité aux yeux des anciennes populations. En Orient, plus d'un prince slave, russe, arménien, turc, arabe, était flatté d'occuper un rang dans la hiérarchie impériale. L'armée. Les armées byzantines ont soutenu bien des guerres, remporté bien des victoires. On comprend que leur organisation ait préoccupé vivement les empereurs. Ces armées ont un grave défaut. Elles se composent en grande partie de mercenaires. Il ne faudrait pas croire qu'il n'y entra que des soldats recrutés à l'étranger. Mais l'impôt du sang ne frappait pas toutes les parties de l'Empire. Il n'y avait ni service obligatoire, ni tirage au sort. On distinguait une classe civile et une classe militaire. Pour recruter la classe militaire, il avait fallu lui assurer des avantages. De là l'institution des fiefs militaires. L'État concédait des terres, stratiotica ctemata, à des bénéficiaires qui s'engageaient en retour à servir dans les armées. La plupart du temps, ces bénéficiaires n'étaient pas de race grecque. C'étaient des colons slaves, arabes, arméniens, mais sujets de l'empereur. De nombreuses novelles du Xe siècle règlent la condition de ces terres qu'on appelle souvent terres impériales. Elles avaient une valeur déterminée et pouvaient être retirées à ceux qui n'observaient pas fidèlement le contrat. Elles étaient inscrites sur des registres particuliers, les registres militaires. Dès lors, elles devenaient inaliénables et le fisc même ne pouvait les saisir. Elles se transmettaient par héritage, mais continuaient à être soumises à l'impôt du sang. De même, on ne pouvait les acquérir qu'à la condition de satisfaire aux obligations qui étaient attachées. Il était interdit aux grands propriétaires, aux clercs, aux fonctionnaires de les acheter. On ne connaît pas le nombre de ces fiefs d'une façon précise. Certains thèmes, parmi les plus importants, devaient compter 4 000 de ces tenanciers militaires, d'autres 2 000 environ. Cette organisation présente des analogies avec le système féodal de l'Occident. Les Latins en furent frappés au XIIIe siècle et considérèrent ces tenanciers comme des nobles. Il y avait cependant entre eux et les barons latins cette différence essentielle qu'ils relevaient directement de l'empereur. On ne trouvait pas en Orient cette hiérarchie de suzerains et de vassaux qui enlevait à un roi de France une grande partie de son pouvoir et des forces militaires du royaume. Comme le remarque le plus savant historien du droit byzantin, Zacharie de Ligenthal, l'esprit oriental ne se prétend pas à l'idée de la loi féodale, réciproque et héréditaire, l'institution du fief n'a pas pu prendre dans ces pays de racines profondes. L'institution des bénéfices militaires existait déjà dans l'ancien empire. Les souverains byzantins reprirent de bonne heure cette tradition. Le thème optimat, en Asie, tire son nom des soldats goths d'élite, optati ou optimat, qui y avaient reçu autrefois des bénéfices militaires. Justinien transporte des Bulgares comme tenanciers militaires dans l'Arménie et le Lazique, 530. Constantin Pogona a réparti 25 000 mardaïtes du Liban en diverses provinces. Justinien II transplante en Asie mineure 30 000 Slaves, 687. Théophile, 829-842, établit 14 000 Turcs en Macédoine, et 30 000 Perses en divers thèmes. Constantin Porphyrogénète, dans son livre « Des cérémonies », règle l'administration des prisonniers arabes comme colons militaires. Quand ils auront reçu le baptême, on leur accordera des terres, une indemnité pour s'établir. On facilitera leur mariage avec des femmes du pays, mais ils s'engageront au service militaire. Presque toutes les nationalités étaient donc représentées dans les armées byzantines. Les empereurs ne s'en préoccupaient pas et volontiers laissaient arriver les étrangers aux plus hautes charges militaires. Parmi les généraux illustres du IXe, du Xe, du XIe siècle, plus d'un n'était pas de sang grec. Il y avait surtout des Arméniens et des Slaves, et aussi des Turcs et des Arabes. Les empereurs s'attachaient à donner à ces armées la science militaire. Ils se faisaient eux-mêmes instructeurs, rédigeaient des manuels de tactique. Maurice, Léon VI, Constantin VII, Nicéphore Phocas en ont composé. Les Byzantins avaient des engins perfectionnés, des secrets redoutés, tels que le feu grégeois. Ils étaient très réputés dans l'art d'attaquer et de défendre les places fortes. Leur architecture militaire devait exercer plus tard de l'influence sur celle des croisés. L'Empire eut de grands hommes de guerre, dont quelques-uns arrivèrent au trône. Dans certaines familles, les talents militaires étaient héréditaires. Tels furent les Phocas, les Curcuas, les Doukas, les Briennes, les Comnène, etc. Malheureusement, entre ces généraux, les rivalités étaient fréquentes, et les empereurs ne les évitaient pas assez afin de pouvoir les opposer les uns aux autres. Plus d'une défaite fut la conséquence de ces dissentiments. En outre, on avait grand-peine à maintenir la discipline, à empêcher les pilleries. Les empereurs devaient s'assurer par des dons la fidélité souvent douteuse des soldats. Les corps de troupes étaient répartis dans les thèmes sous le commandement des stratèges. Lorsqu'on réunissait toutes les forces de l'Orient ou toutes celles de l'Occident sous un seul chef, on l'appelait domestique ou archégète ou stratilate d'Orient, d'Occident. En dehors de ces armées, cantonnées dans les thèmes, la garde impériale à Constantinople formait un corps d'élite en 4 cohortes. Les excubiteurs, les icanates, les numéri, les scolaires. Elle comprenait aussi des étrangers de toute provenance, perses, khazars, normands, anglais, hongrois, sarrasins, etc., divisés en 3 hétéries, sous le commandement du grand hétériarque. Certains corps avaient des chefs spéciaux, le connétable pour les francs, l'acolyte pour les varègues. Ibn Khordadbeh, au Xe siècle, évalue à 120 000 hommes les forces byzantines. En général, les armées qu'on voit figurer dans les campagnes comptent de 30 000 à 45 000 hommes. Constantin Porphyrogénète a conservé les états détaillés de diverses expéditions. On voit qu'on appelait chaque fois que les troupes de certains thèmes. Ainsi, pour reprendre la Crète aux Arabes en 902, Léon VI avait demandé des contingents aux stratèges des Sibiréotes, de Samos, de la mer Égée. Ces troupes, auxquelles on joignit 700 Russes, s'élevaient à 28 300 soldats. On avait pris en outre, dans divers thèmes, 6 037 cavaliers. Quant aux renseignements qu'on possède sur l'organisation de la marine militaire, ils ont été encore trop peu étudiés pour qu'on se permette aucune conclusion précise. Les empereurs considéraient comme un de leurs plus sûrs moyens de défense le célèbre feu grégeois. Constantin VII, dans son livre sur l'administration de l'Empire, expose longuement avec quel soin il faut en garder le secret. Si des peuples étrangers en font la demande, on leur répondra qu'un ange en a révélé la composition au premier empereur chrétien, Saint Constantin, avec défense de la divulguer. Ce sont de ces façons d'éconduire poliment les gens où excellait la diplomatie byzantine. Dans un autre chapitre du même ouvrage, l'empereur écrivain raconte qu'un certain Kalinique de la ville d'Hierapolis apprit sous le règne de Constantin Pogona à préparer le feu grégeois. On le lançait avec des siphons attachés à la proue des navires ou dans des grenades en terre cuite. Les renseignements que quelques écrivains byzantins donnent sur la composition du feu grégeois Les recherches faites à ce sujet par les savants modernes ont prouvé qu'il s'agissait d'un mélange de salpêtre, de soufre, de charbon et de matières résineuses.